Section 4. Chapitre 1. Troisième partie. Les mœurs et les lettres par Émile Gebhardt. Les mœurs. Les mœurs de la société italienne ont fidèlement reproduit l'image de la vie des princes. Elles furent élégantes, corrompues et violentes. L'exemple des grands virtuoses politiques a porté tous ses fruits. À la virtu correspond l'honoré, qui n'est point l'honneur tel que l'entendent les modernes, mais l'art à l'aide duquel un homme d'esprit accomplit une action difficile, profitable à ses intérêts, sans aucun scrupule de moralité ou d'humanité. C'est la virtu transposée de la vie publique à la vie privée. Un sens délicat de la beauté et de la grâce, entretenu par la vue des œuvres d'art, donnait néanmoins aux mœurs une finesse et une noblesse qu'elles ne montraient nulle part ailleurs en Europe. Le Cortigiano de Balthazar Castiglione est un code accompli de bonne éducation mondaine. Toute manifestation extérieure de la puissance des princes aboutissait à quelques fêtes magnifiques, cortèges, tournois, jeux allégoriques, processions, entrées solennelles dans les villes, représentations théâtrales, mêlées de danses et de concerts, déclamations poétiques. Même chez les artisans, dans l'intimité de l'atelier, le plaisir prenait une forme élégante, une distinction d'art. Tel souper de Benvenuto Cellini, de ses amis et de leurs maîtresses, dans une humble salle ornée de branches de jasmin, rappelle par la tournure de l'entretien le banquet de Platon. Mais ces mœurs, qui séduisirent les compagnons de Charles VIII, de Louis XII et de François Ier, étaient étrangement gâtées. Ici, la littérature nous laisse voir à quel point le christianisme était aboli dans les âmes italiennes. Ce n'est pas la corruption même du grand nombre qu'il importe le plus de noter. On n'oublie pas que Dante avait mis déjà dans son enfer et dans les cercles les plus mal hantés beaucoup de gens de son temps et même des hommes de grand esprit. On peut aussi se méfier des déclamations virulentes de Savonarole, comme des médisances atroces de l'Arétin. Mais ce qui frappe l'historien, c'est surtout la belle humeur avec laquelle un écrivain tel que Machiavel, dans ses lettres familières, parle, comme en se jouant, des mauvaises mœurs. Évidemment, l'opinion, loin d'être offensée par celle-ci, les acceptait en riant. Tel petit bourgeois florentin, engagé dans une fâcheuse aventure, semblable à celle du héros d'une des lettres, pouvait désigner comme ses modèles les têtes les plus hautes, à Rome comme à Florence. Remarquons enfin la place importante occupée par des superstitions toutes païennes en des esprits si libres et d'une religion si accommodante. Toutes les chimères de l'Antiquité, rajeunies par les humanistes, toutes les terreurs de ce Moyen-Âge si fort méprisé, reparurent à la Renaissance. Machiavel croit à l'influence des astres sur la destinée humaine. Paul III n'ouvrait point un consistoire sans avoir consulté son astrologue. La seigneurie florentine interroge les étoiles avant de choisir un condottiere. On observait les présages. Alexandre VI, voyant tomber un hibou sur la place Saint-Pierre, comptait que sa mort était proche. On croit aux esprits qui descendent de la lune en terre ou chevauchent de nuit à travers les airs, se montrent aux hommes et leur parlent. Les magiciens évoquent les êtres de l'autre monde. Un prêtre sicilien ayant tracé le cercle magique et brûlé des parfums dans l'arène du Colisée, fit voir à Cellini des milliers de démons bondissant sur les ruines de l'amphithéâtre. Le trait le plus apparent de ces mœurs, à la distance où nous nous trouvons pour les observer, est la violence. Ici encore, il faut signaler la complicité de l'opinion. Rien n'étonne alors et l'on ne s'indigne de rien. Le chapelain Burchard note froidement les horreurs dont il est le témoin. Et l'ambassadeur Justinian les raconte à son gouvernement avec une ironie indulgente. Burchard est bien plus ému par le rapt de sa propre mule que par le massacre des Orsini. Cellini s'applaudit lui-même de ses coups de couteau traîtreusement donnés. Lui et toute sa bande, qui sont la terreur des villes où ils habitent, se qualifient de jeunes gens vertueux. La sensibilité était alors fort émoussée en Italie. Et le spectacle même de la vie princière achevait de la détruire. La cour la plus policée de toute la péninsule, Ferrare, assistait à d'étonnantes tragédies de famille. le cardinal Hippolyte d'Este, rival en amour de son frère Giulio, lui faisait arracher les yeux en sa présence. Les moines assassinaient, selon le cardinal Carafa, non seulement par le poison, mais par le couteau et l'arquebuse. Les cruautés des Giustizie étaient encore une cause de dépravation. On pendait et on brûlait, en même temps, un condamné. On faisait bouillir dans l'huile les faux monnayeurs. Pour un faux, on perçait la langue, puis on la coupait, ainsi que les mains, puis on écrasait les moignons entre deux poulies. On tranchait à un assassin les veines de son cou, on lui fendait le ventre et arrachait les entrailles. Le corps, taillé en quatre morceaux, était exposé en quatre endroits de la ville. Au milieu du XVIe siècle, quand les progrès du protestantisme rendirent la Bible de plus en plus suspecte à l'Église, le Saint-Siège redoubla de dureté à l'égard des Juifs de Rome que l'on accusait d'expliquer aux chrétiens l'esprit de l'Ancien Testament. Un pape édicta alors la potence immédiate et sans rémission contre quiconque serait surpris n'étant point juif dans le ghetto ou aux avenues du quartier maudit. Une fois la discipline religieuse rétablie par l'Inquisition et le Concile, les mœurs, sans s'améliorer sensiblement, se compliquèrent d'hypocrisie. L'horrible procès des Cenci, à la fin du siècle, a montré dans une des plus grandes familles de Rome l'absolue perversité adroitement recouverte des dehors de la dévotion. Mais déjà l'élégance spirituelle de la Renaissance avait disparu. Les lettres. Le retour aux lettres antiques n'a point faussé le génie national des Italiens. Leur Renaissance littéraire fut plutôt latine que grecque. L'hellénisme, qui, après Nicolas V, passa de Rome à Florence et à Venise, n'a point influé sur les formes de l'art. La littérature grecque, si impersonnelle et dédaigneuse du détail individuel, n'a servi point les écrivains d'un siècle où l'individualisme eut une telle puissance. Machiavel et Guichardin s'inspirent du récit oratoire de Tite-Live et de Salluste, des réflexions morales de Tacite. On joue Plaute et Terence sur le théâtre de Léon X, et les comédies de Machiavel et de Bibiena reprennent les procédés dramatiques des Latins, conservés d'ailleurs dans l'intrigue et les masques populaires de la Commedia dell'arte. L'Arioste. L'Arioste représente avec éclat la fécondité et la grâce de fantaisie que nous retrouvons alors dans les arts du dessin. Le Roland furieux est venu après les poèmes chevaleresques de Pulci et de Boiardo. C'est le chef-d'œuvre de l'invention héroïque-comique. Ici, malgré la diversité prodigieuse et l'embrouillement des aventures, l'invention elle-même vaut surtout par l'art et le style du poète. Une très forte partie de la matière poétique de l'Arioste vient de nos romans de la Table ronde, où sont en quelque sorte naturalisés les personnages du monde carolingien. Le Roland amoureux de Boiardo avait commencé cette transposition de la chanson de geste renouvelée par les contes d'amour. Mais chez l'Arioste, l'imagination est d'une richesse et d'une légèreté sans pareil. Son très long poème, écrit en octaves, d'une langue limpide et sonore, composé en vue de la déclamation, divertit à la façon d'une œuvre du Véronèse ou du Tintoret. Guichardin et Machiavel. Rapproché de Machiavel, Guichardin, 1482-1540, paraît un historien de second ordre, constamment rhéteur et capable, par passion, d'altérer la vérité. C'est lui qui a accrédité la fable de la mort foudroyante d'Alexandre VI. Machiavel, Niccolo Machiavelli, 1469-1527, est à la fois le premier prosateur et le plus grave philosophe politique de l'Italie. Le préjugé de la postérité l'a chargé de toute l'immoralité de son siècle. On n'a pas voulu reconnaître dans le prince la simple description expérimentale de la politique du principat. On a flétri du nom de machiavélisme ce qui était non point une doctrine, mais une observation méthodique. Cependant, lui seul alors sut donner un grand exemple de probité diplomatique. Il était en disgrâce, ruiné par les Médicis, réduit à l'extrême misère. Vers 1515, Léon X, obligé de choisir entre la France, l'Espagne et l'Empire les patrons du Saint-Siège, et désireux de contrebalancer l'une par l'autre les trois puissances, consulta Machiavel par l'intermédiaire de Vettori, ambassadeur de Florence à Rome. Les lettres échangées montrent clairement le désir secret du pape. instituer contre la France et Venise une politique espagnole et allemande. Machiavel, qui jadis avait excité Jules II contre Venise, instruit par les événements, déclare que le salut de la papauté est dans l'union avec le roi très chrétien et la République de Saint-Maur. La consultation, plusieurs fois reprise, aboutit toujours à la même conclusion. Machiavel n'avait qu'un mot à dire pour entrer en faveur et devenir le ministre de Léon X. Il s'obstina à condamner la politique qui fut battue à Marignan. Il sacrifia sa fortune plutôt que d'abaisser sa conscience d'homme d'État. Il languit dans sa petite ferme de San Cacciano, réduit pour se distraire à jouer au tric-trac avec ses paysans, et le soir revenant pour se consoler à la conversation des historiens et des poètes de Rome. Il composa alors ses grands ouvrages. Le Prince, les Histoires florentines, les Discours sur la première décade de Tite-Live, le Traité de l'art de la guerre, son œuvre la plus patriotique, où mettant à profit son expérience de délégué à la guerre contre Pise et sa connaissance des guerres de l'Antiquité, il s'efforce de fixer pour sa cité les conditions d'une véritable armée nationale. Il mourut en 1527, au plus fort de la peste de Florence, dont il venait de tracer le tableau tragique, quelques semaines après la ruine du Saint-Siège qu'il avait prédite. Cellini et l'Aretin. Cellini et l'Aretin sont des témoins bien édifiants du déclin de l'Italie. Les mémoires de Benvenuto Cellini sont, dans leur première partie, d'un entrain extraordinaire. Le sens moral y paraît tout à fait aboli, mais le respect des choses de l'art, l'instinct de la beauté, y rachète bien des défaillances. Ici se trouve le tableau de la vie italienne, atelier d'artistes, palais des cardinaux, hôtellerie louche et carrefour dangereux. Florence, Rome, Naples, Ferrare, Venise, le Vatican et les cachots du Saint-Père. Clément VII et Paul III. Les peintres, les orfèvres, les médecins, les charlatans, les spadassins, les courtisanes, les prêtres magiciens, la peste, la guerre, l'amour, toutes les amours d'un siècle léger de scrupules, l'œuvre de piraterie que tout homme d'esprit, pourvu de convoitise, se croit alors le droit d'exercer sans merci sur ses voisins, ses rivaux, ses amis et ses mécènes. Celui-ci, du moins, qui versait le sang si volontiers, garda l'indépendance du caractère et ne s'est point avili. Avec l'Aretin, nous mesurons la chute morale de l'Italie. Cet écrivain sans conscience choisit la terreur comme instrument de fortune. Retiré à Venise, le dernier asile des libertés de l'esprit, il fit de la satire et du pamphlet une arme si redoutable que les contemporains, effrayés par sa malice, lui décernèrent le surnom de divin. Il s'intitulait le fléau des princes. À ses sonnets ou à ses lettres, les artistes, les cardinaux, les banquiers, les nobles n'osaient, par crainte de la diffamation, refuser ni un tableau, ni une pièce d'orfèvrerie, ni une poignée d'écus. Ils battaient monnaie à l'aide de dialogues obscènes, étalaient sans vergogne ses vices variés, les tristes scandales de son foyer. Ces comédies, où entrent parfois des aventures de nos vieux contes, sont d'une licence insolente. Il y dénonce, avec une joie méchante, toutes les hontes de l'Église. Et l'Église lui répondait par des caresses. On le citait dans les sermons à titre de moraliste et de mystique. Un moine osait le comparer à saint Augustin, à saint Grégoire, à saint Jean. Michel-Ange et le Titien le comblaient de petits cadeaux. Il écrivit les vies de Jésus-Christ, de la Sainte Vierge et de Sainte Catherine. Le Tasse tirera les lettres italiennes d'une misère si profonde, mais la Jérusalem délivrée n'est plus une œuvre de la Renaissance. Michel-Ange. Michel-Ange, 1475-1564, traversa la période éclatante et terrible à la fois du Principat italien. Il vécut assez pour voir décliner dans la vie publique et l'Église, dans les arts et les lettres, la dignité, la noblesse d'âme, la passion de la liberté, le sentiment délicat de la beauté. Il survécut à toute une civilisation et put mesurer l'abaissement de la péninsule. Il fut poète et l'un des plus grands de son siècle par la hauteur et l'austérité de la pensée. Il mit dans ses sonnets, moins maniérés que ceux de Pétrarque, la gravité altière de Dante, l'un des maîtres de son génie avec Savonarole. les poésies qu'il composa pour la marquise de Pescaire, Vittoria Colonna, sont d'un platonisme subtil, digne de l'école philosophique de Florence, dont il avait recueilli dans sa jeunesse les derniers enseignements. L'amère épigramme qu'il écrivit pour les figures inachevées, colossales, couchées sur les tombeaux des Médicis, atteint comme une sentence le siècle de Jules III, de l'Arétin et des Carafa. Il m'est doux de dormir, plus doux d'être de marbre, tant que dure la misère et la honte, ne m'éveille donc pas, de grâce, par le bas. Fin de la section 4. Fin du chapitre 1.